إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واغتنموا مهلة الآجال فيما يقربكم إلى الله فإن الحياة أمد محدود ونفس معدود ثم تفضون إلى الله فريق في الجنة وفريق في السعير وشتان ما بين الفريقين في المآل والمصير يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عباد الله فرق بين الفريقين أن أهل الإيمان اهتدوا بهدى الله وتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه فحققوا وظيفة العبودية لله التي هي أكرم وظيفة في الدنيا وأعظم سبب تتحقق به السعادة وطيب الحياة وحسن الجزاء في الأخرى وأما أهل الكفر والإلحاد فأعرضوا عن هدى الله واستنكفوا أن يتبعوا رسوله الذي أرسله الله بدينه وهداه فاتبعوا الشيطان والهوى وتردوا في دركات الضلال والشقى فعاشوا عشية الضنك في الدنيا وباءوا بالخسران والهلاك في الأخرى وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم تنزيله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فالطمع وعلو الهمة يا عباد الله ينزعان بالعاقل إلى معالي الأمور وطلب علي الدرجات وسامي المقامات في الدنيا والأخرى ويعملان على تغيير حاله إلى ما هو أنفع وأسمى وكلما نال مرتبة تطلع وأخذ بأسباب ما فوقها ولا يزال المرء المؤمن بالله واليوم الآخر معتنيا بالأعمال التي ترفع مقامه عند الله حتى يكون رفيقا لخيار الخلق ومجاورا رب الحق لاستقامته على طاعة الله مدة الحياة قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، لقد قعدوا دنو الهمة، لقد قعد دنو الهمة والإعراض عن آيات الله في الأنفس والآفاق والإخلاد إلى الأرض بأهله، حتى جعلهم أسرى للشيطان، جديرين بكل خيبة وخسران. وأعظم الخسران الحجاب عن الله والتردي في دركات السراب. يقول تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويقول تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. عباد الله، إن الطموح وعلو الهمة يحملان صاحبهما إلى تطلب المعالي واختيار أفضل وأشرف الوسائل وسلوك أقوم السبل لبلوغ الغاية. وأهل الإسلام بحمد الله قد كفاهم الله المؤونة، ويسر عليهم الكفلة، وأعظم لهم المثوبة، فدلكم تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أصول البر وخصال العمل الصالح، ورغبهم فيها ببيان ما فيها من الحكم والمصالح، وما رتب عليها من المتجر الرابح، ونهاهم عن القبائح لما فيها من الفضائح والخسران والشقاء والهوان والعذاب والخزي يوم المعاد، هداية إلى الحق والصواب وتذكرة لأولي الألباب. عباد الله، إن المؤمن بالله ولقائه عالي الهمة سامي الهدف، ولذا يغتنم كل حالة من حالاته ولحظة من لحظات عمره فيما يقربه إلى الله تعالى، ويرفع درجته عنده، ويحصل به مغفرته ورحمته، مهتديا بالقرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان، فيخلص التوحيد ويحافظ على الصلوات المكتوبات، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج، ويعتمر، ويجاهد، ويصبر، ويصل الرحم ولو قطعت، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعطي كل ذي حق حقه، فيفعل الخير، ويعين على البر، وييسر ولا يعسر، ويقول الكلمة الطيبة، ويجود بالصدقة والنفقة ولو بالتمرة، فإن الله تعالى يقبلها ويربيها لصاحبها حتى تكون كالجبل العظيم. ويلهج بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. فإنها غراس في الجنة، وفيها تبنى قصور الجنة، ويرحم البهيمة حتى يسقى الكلب من العطش، لأنه من أسباب المغفرة، ويميط الأذى عن الطريق، فإنه سبب لدخول الجنة، ويصدق في بيعه، وينصح لكل مسلم، خاصة من استنصحه، ويحسن إلى أصحابه وجيرانه، ويهدي لإخوانه، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah Azza wa Jal et profitez de ce mois béni pour essayer de viser plus haut. Pour essayer de viser plus haut dans ce qui a trait à vos adorations, dans ce qui a trait aux manières par lesquelles vous vous rapprochez d'Allah Azza wa Jal. Parce que le but de votre existence et le but de notre existence à tous dans ce bas monde, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est de cette manière que Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection, il va trancher entre les êtres humains. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. De quel côté sera-t-on ce jour-là? Tout dépend de notre sincérité, tout dépend de nos œuvres, tout dépend de nos paroles, tout dépend de notre attitude envers Allah Azza wa Jal, et envers son message, et envers son messager, et envers la révélation. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie, ceux qui ont cru et qui font les bonnes œuvres, ils auront les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et voilà la plus grande réussite. Tandis qu'il dit, ceux qui ont renié la foi, ils auront le feu de l'enfer. Et on ne va pas les achever de façon définitive pour qu'ils meurent dans l'enfer. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Et on ne va pas non plus leur alléger le châtiment. Imaginez cette situation, imaginez ce châtiment. Regardez cette description, comment Allah Azza wa Jal, il décrit la signification ou la situation du kafir lorsqu'il est dans l'enfer. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Allah Azza wa Jal, il dit, la yuqda alayhim fayamutu. On ne va pas les achever définitivement pour qu'ils meurent. Donc ils vont pas mourir. Et ils peuvent pas mourir. Une fois qu'ils sont dans l'enfer, il y a plus de mort. Wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. Et on ne va pas non plus alléger leur châtiment. Alors ce jour-là, dans l'enfer, il y a des gens qui disent dans la vie, dans la vie d'ici-bas, parmi les koufars, ils disent, ah, si tu vas dans l'enfer, tu brûles une fois, puis après t'es en cendres et c'est fini. Non, le feu de l'enfer est éternel. Et les personnes qui sont dans l'enfer, ils ne peuvent pas mourir. Et chaque fois que leur peau a terminé d'être calcinée, Allah Azza wa Jal leur crée automatiquement une nouvelle peau, pour qu'ils goûtent au châtiment de l'enfer éternellement. لا يخفف عنهم من عذابها. On ne leur allège pas ce châtiment-là, il ne va pas diminuer. Au contraire, il augmente. Et c'est un châtiment qui n'est pas seulement corporel. C'est un châtiment qui est en même temps aussi psychologique. Même leur cœur, il est brûlé. Même les remords qu'ils ont dans leur cœur, c'est une source de châtiment pour eux aussi, d'avoir négligé les bonnes œuvres qu'ils devaient faire dans ce bas monde. Et ils souhaitent pouvoir revenir dans la vie du bas monde pour pouvoir refaire les bonnes œuvres. Mais il est trop tard. Et Allah Azza wa Jal, il dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et s'ils étaient renvoyés à la vie d'ici-bas, pour qu'ils puissent essayer de refaire des bonnes œuvres comme ils le prétendent, ils seraient retournés à ce qu'ils faisaient auparavant. Et ce sont des menteurs. نَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ. Donc il y aura ces deux groupes. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. Alors il faut essayer de faire les efforts nécessaires pour appliquer cette obligation et ce devoir de la servitude et de l'obéissance et de remplir notre devoir en étant des vrais esclaves d'Allah Azza wa Jal. Parce que notre réalité en tant que créature d'Allah, c'est d'être des esclaves de notre Créateur. Et il n'y a pas de degré plus noble et plus élevé vis-à-vis d'Allah que d'être un esclave. Et Allah Azza wa Jal, il a glorifié ses messagers et ses prophètes dans le Coran en les appelant des messagers esclaves. Il les a appelés des esclaves et il a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les meilleurs exemples qu'il a mentionnés, les meilleures situations et les meilleurs contextes dans lesquels il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant son esclave. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Hein? Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur pendant la nuit, son esclave, son serviteur. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais eu honte d'être un serviteur ou un esclave d'Allah, ou d'être qualifié d'esclave d'Allah. Au contraire, c'est un honneur pour lui, parce qu'il n'y a pas rien de plus honorable pour une créature que d'être le serviteur et l'esclave d'Allah, azza wa jal. Tandis que celui qui cherche à se libérer et à s'émanciper de la servitude de son Créateur, eh bien celui-là devient l'esclave des créatures. Il cherche à se libérer de son Créateur et en faisant ainsi, il devient l'esclave du shaitan, de ses passions, de ses désirs, ou bien des autres créatures parmi les êtres humains qui vont prendre le dessus sur lui. Et donc il ne sera jamais heureux et il ne sera jamais libre. Le croyant doit viser haut. Le croyant doit viser haut et en particulier dans ce mois de Ramadan. Parce qu'on le sait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans de nombreux hadiths, que les œuvres qu'on fait pendant le Ramadan sont ont plus de valeur et sont multipliées dans les récompenses. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le hadith al-Qudsi, إِلَّا الصَّوْمُ فَهُوَ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne, c'est pour moi. Et c'est moi qui donne la récompense pour ce jeûne. C'est une adoration secrète. Lorsque tu jeûnes, personne ne peut savoir que tu jeûnes lorsque tu marches dans la rue. Contrairement à la salat, lorsque tu pries, tout le monde voit que tu es en train de faire la salat. Mais lorsque tu fais le jeûne, personne ne te voit à l'extérieur sachant que tu jeûnes, parce que c'est une adoration qui est cachée. Et c'est pourquoi elle est plus proche de la sincérité pour le serviteur que toute autre adoration. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné donc que cette adoration-là, elle a une récompense particulière. Elle a une récompense particulière, et celui qui jeûne pour Allah Azza wa Jal avec sincérité, Allah Azza wa Jal lui donnera une récompense sans calculer. Il ne peut même pas imaginer. Parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Et la patience en soi, c'est une adoration aussi. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah Azza wa Jal, il va donner à ceux qui sont patients et qui sont endurants une récompense sans compter, sans calculer. Donc réjouissez-vous. Réjouissez-vous, ô vous les jeûneurs, et faites des efforts. Malgré la situation actuelle, malgré cette pandémie, malgré ce couvre-feu qui vous limite, mais ne perdez pas l'espoir et la patience en la miséricorde d'Allah. Et soyez patient et endurant, parce que la délivrance, elle est proche. Et malgré les limitations qu'on a pendant ce mois-ci, celui qui a l'intention, Allah lui donne la récompense, comme s'il l'avait fait. Tu ne peux pas faire le tarawih à la mosquée parce qu'il y a un couvre-feu. Allah Azza wa Jal, il te récompense comme si tu faisais le ramadan, le tarawih à chaque année. Puisque tu avais l'habitude de le faire à chaque année, Allah te donne la même récompense que ce que tu faisais dans les années précédentes lorsque tu faisais le tarawih à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu as une excuse. Lorsque quelqu'un est malade, il n'est pas capable de prier debout, il est obligé de prier assis. Mais c'est pas de sa faute, il est récompensé quand même. Si tu peux pas faire le tarawih à la mosquée parce qu'il y a un empêchement hors de ton contrôle, mais tu voudrais le faire et tu as l'intention, Allah il te donnera la même récompense que si tu le faisais à la mosquée. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Now, il faut pas essayer de chercher à se faufiler dans les règles de la religion pour essayer de faire des innovations ou des bid'ah, comme j'entends que certaines personnes cherchent à faire le tarawih sur Zoom ou bien par des moyens modernes, par des conférences vidéo. Et de dire, ben, puisqu'on peut pas se réunir, on va le faire comme ça, Il y en a un, je sais pas c'est qui va être l'imam, et les autres, ils sont devant leur ordinateur, puis ils prient comme ça, comme s'ils étaient en jama'a. Ça rentre dans l'innovation. Et les ulama, ils avaient répondu à ce sujet-là. À l'époque même où Zoom existait même pas, et ces autres programmes-là, ils existaient même pas. Mais les gens, ils regardaient la prière à la Mecque. Par les satellites et à la télévision. Et il disait, est-ce que j'ai le droit de suivre l'imam à Mecca alors que moi je suis chez moi, dans ma maison? Et je prie derrière l'imam ou j'écoute à la radio, je suis la prière qui est récitée dans la radio et moi je prie derrière cet imam à travers la radio. Est-ce que ça c'est permis? Et les ulama ont dit non, ça c'est pas permis. Parce que ça ne rentre pas dans la description de la façon dont on prie en jama'a. Et donc c'est très important, malgré les circonstances, il ne faut pas essayer d'inventer des choses qui nous font sortir des limites de la religion d'Allah. Et qui nous font inventer des choses qui ne font pas partie de la religion d'Allah. Vous pouvez faire le tarawih à la maison, avec vos proches et votre famille. Et si votre mémorisation du Coran elle est petite ou vous n'avez pas mémorisé beaucoup, il est permis pour le tarawih de tenir le mushaf et de réciter à partir du mushaf pendant la prière, mais seulement pour l'imam. Les autres, ils suivent la récitation avec lui. Les membres de la famille qui prient avec lui, ils écoutent sa récitation et ils le suivent en prière dans la maison. Ça, c'est permis. Alors, pourquoi on fait pas ça? Alors, on profite du tarawih, malgré qu'on ne peut pas le faire à la mosquée. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner à tous la patience et l'endurance. Et on demande également à ce que chacun d'entre nous implore Allah dans sa prière, quand il fait la prière, lorsque c'est le moment de l'aube, d'invoquer Allah Azza wa Jal, de délivrer la Ummah et de délivrer le monde de cette pandémie, hein, qui nous rend la vie très difficile, et en même temps de profiter de cette occasion-là pour se repentir à Allah Azza wa Jal, pour changer nos vies, pour corriger nos défauts et nos mauvaises habitudes, pour devenir des meilleurs musulmans. Parce que c'est la meilleure occasion de faire cela en ce moment. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم